Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la résolution du plus froid des cold cases. Entre 1976 et 1986, après des années de sérénité, Sacramento, capitale de la Californie, connaît une vague de criminalité sans précédent. Au cœur de l'American Dream, la violence déferle. Des centaines de cambriolages, une cinquantaine de femmes violées, une douzaine de personnes assassinées. De la baie de San Francisco au nord jusqu'à Los Angeles au sud, tout l'État est infesté, mais aucun suspect n'est appréhendé. Chaque district est pourtant sur le coup, soutenu par le FBI, en vain. Mais 24 ans plus tard, des recherches génétiques offrent un rebondissement inattendu. Le pilleur de Visalia, le violeur de l'Est, le tueur au nœud de diamant et le traqueur de la nuit, tous ces criminels qui ont hanté la vie des Californiens, ne sont qu'une seule et même personne, un seul homme, mais lequel? Si les enquêteurs possèdent un ADN, celui-ci ne matche avec aucun suspect. Les années passent, l'angoisse reste en toile de fond. Et puis en 2018, soit 42 ans après le premier vol, la vérité, la vérité éclate. Un dénouement qu'on doit essentiellement à la généalogie et à l'intuition d'une journaliste, celle qui a donné son nom à ce criminel, The Golden State Killer. Notre invité aujourd'hui est le lieutenant-colonel Emmanuel Famouaï, gendarme, dont vous comprendrez mieux l'expertise très précise après avoir écouté le récit qui suit. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Nous commençons avec une info majeure dans une vieille affaire non élucidée. Selon la police, l'un des pires tueurs en série de notre histoire vient d'être capturé devant sa maison. Le 24 avril 2018, une équipe de policiers de Sacramento, accompagnée du FBI, se rend au 8316 Canyon Oak Drive dans la petite ville de Citrus Heights, en Californie. C'est un quartier pavillonnaire tranquille, constitué d'impasses et de palmiers imposants, typiques des lotissements qui ont poussé dans les années 60-70 au beau milieu des pâturages. Sur un trottoir nettoyé au coton-tige, les agents stationnent devant une maison de plein pied, en stuc jaune, bien entretenue, avec une entrée en forme d'arche, une pelouse taillée au millimètre, un garage de place en bout d'allée, capable d'abriter une voiture, ainsi que, certainement, le hors-bord garé devant. En ce mercredi de printemps, le ciel est clair, la journée s'annonce calme. Le shérif Scott Jones est serein. Il sait pourquoi il est là, il ne précipitera rien. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'il espère cet instant. Ou disons plutôt, 40 ans que les shérifs de plusieurs comtés à travers la Californie rêvent de cet instant. Alors, il patiente, Mr. Jones. C'est mardi dernier que l'impensable s'est produit. Lors d'une conférence de presse, la procureure de Sacramento, Anne-Marie Schubert, a lancé un mandat d'arrêt contre un dénommé Joseph James De Angelo, un retraité de 72 ans, qu'elle accuse de meurtre et de viol avec circonstances aggravantes. Il est celui que le FBI recherche depuis 40 ans et qu'on surnomme « The Golden State Killer ». Aux alentours de 18h30, un homme âgé sort de la maison. C'est lui. Les forces de l'ordre l'interpellent. Il est surpris, mais n'oppose aucune résistance. « J'ai un rôti au four », dit-il simplement. « Ne vous inquiétez pas », répondent les policiers, « nous allons nous en occuper ». Pendant que le cortège de voitures roule en direction du bureau du shérif de Sacramento, une équipe de policiers est mandatée pour fouiller la maison du suspect et pas forcément pour goûter le rôti. Je ne l'ai pas entendu entrer, je n'ai rien entendu. Et tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui se tenait à ma porte, la porte de la chambre. Et j'ai levé les yeux, j'ai d'abord pensé que c'était mon père. Vous savez, il a des horaires bizarres et il était peut-être rentré plus tôt, parce qu'il était tôt le matin. Et non, ce n'était pas mon père. Il est 5h du matin, en ce 18 juin 1976, quand un homme masqué fait irruption dans la maison de Sheila, à Rancho Cordova, dans la banlieue est de Sacramento. D'abord, elle croit rêver qu'il porte un passe-montagne en plein mois de juin, franchement. En vérité, il s'agit d'une cagoule blanche, assez étrange, comme tricotée, avec des trous pour les yeux et une couture au milieu, mais très collant au visage. L'homme qui la porte mesure environ 1m80, moyennement musclé, t-shirt bleu foncé à manches courtes, gants gris en toile, mais pas de pantalon, non. Le voilà solidement campé sur ses deux jambes pâles, le sexe en érection. C'est sûr, c'est un cauchemar, ce guichet-là. Mais l'émotion, bien réelle, l'envahit, la peur, l'effroi. Alors qu'elle tente de reprendre ses esprits, l'homme bondit sur son lit. Dans un réflexe infantile, Sheila remonte les couvertures sur sa tête. L'agresseur les rabat d'un coup sec. « Si tu fais un mouvement, un bruit, je te crève », murmure-t-il, la mâchoire serrée. Il lui colle son couteau de 10 cm contre la tempe droite pour l'obliger à ne pas bouger. Lui attache les poignets dans le dos avec de la ficelle, double le lien avec un tissu, lui fourre une combinaison en nylon dans la bouche en guise de paillon, puis il la viole. Une fois son crime commis, il parcourt la maison. Il fouille. Il prend son temps, ouvre le frigo, boit une bière, mange quelques crackers et recommence à fouiller. Sheila entend tout. Puis il revient vers elle, la viole à nouveau et retourne fouiller l'appartement. Un calvaire qui va durer plus de 2 heures. Premier d'une longue série de viols. Le 5 octobre 76, Jane Carlson Sandler dort avec son fils de 3 ans. Il est 6h30, son mari vient de partir travailler. Le petit en a profité pour se glisser dans les draps de sa maman. Soudain, Jane entend le bruit discret d'un interrupteur qu'on actionne. Puis quelqu'un qui court dans le couloir. « C'est toi, chérie? Tu as oublié quelque chose ?» Pas de réponse. Mais un homme masqué et ganté surgit et grogne d'une voix terrifiante. « Tais-toi ou je te tue !» Il a commencé par nous attacher les chevilles et les poignets avec des lacets de chaussures. Et il nous a bâillonnés tous les deux, puis il nous a bandé les yeux à tous les deux. Je me disais, qu'est-ce que ce type contemple ? Et il est resté longtemps comme ça. Et ensuite, dès qu'il a détaché mes chevilles, j'ai su pourquoi il était là. Après avoir ligoté et isolé le petit garçon, il procède au viol de Jane, fouille la maison, vole quelques objets, se prépare à manger, puis s'en va. Durant ce mois d'octobre 76, 3 autres agressions ont lieu à intervalles rapprochés. Cette période marque la fin de l'innocence à Sacramento. Parce que, avant ces drames, personne ne fermait ses portes, pas même celles des voitures jusque-là. Disons que le boulot de la police était plutôt tranquille. Mais là, changement de décor. Il va falloir se bouger. Le shérif organise alors une réunion avec ses administrés. La salle est pleine à craquer. 500 personnes sont présentes, terrifiées, surtout les femmes seules. En attendant de mettre la main sur le violeur, des conseils pratiques sont préconisés. Alors, vous m'avez demandé comment on peut sécuriser les fenêtres à partir de l'intérieur. Exercer une pression lente pour bien fermer une fenêtre entière ou même les fenêtres d'une porte coulissante. If you are going to defend yourself, you must injure your attack. Respectez les exigences des violeurs, conseille Carol Daly. Il est trop dangereux. Le bureau du shérif subit une telle pression que pour calmer le public, il s'appuie sur une inspectrice, Carol Daly. À quelques exceptions près, elle a interrogé toutes les femmes de Sacramento violées par l'inconnu. Alors même que le crime est encore marqué dans leur corps et dans leur esprit, et pendant que leur maison est remplie d'agents, Carol Daly recueille les détails les plus sordides. Les positions sexuelles utilisées, la taille du sexe de l'agresseur, ses mots terrifiants, ses larmes ponctuées de « hate you, Bonnie » et même son odeur. Si les forces de police montrent qu'elles prennent les choses en main, elles demandent surtout à la presse locale de ne pas médiatiser l'affaire, de sorte que le suspect ne quitte pas l'Est, où on espère bien le coincer. Mais la situation est trop tendue. Les riverains organisent des rondes avec des chiens. Les femmes célibataires réclament la mise en place d'un numéro spécial d'urgence. La vente d'armes flambe. Et puis les rumeurs enflent. On accuse le violeur de mutiler la poitrine des femmes et la tension atteint son maximum lorsque le 18 octobre, il attaque deux fois en 24 heures. Une nouvelle réunion publique se tient à Rancho Cordova et le journal local, le Sacramento Bee, souffle sur les braises. Et le titre, en biviol, la peur s'empare d'un quartier tranquille. Et c'est là que le criminel écope de son surnom, The East Area Rapist, le violeur de l'Est. Carole Daly n'est pas tranquille. Elle le sent, ce violeur ne s'arrêtera pas là. Il va tuer. Car l'individu est aussi un vrai pervers qui aime distiller la terreur. Le 18 mars 1977, le bureau du shérif du comté de Sacramento reçoit trois coups de téléphone. L'homme au bout du fil prétend être le violeur de la zone Est et termine par un rire sardonique avant de raccrocher. Le troisième appel arrive à 17h. Je suis le violeur de l'Est. Ma prochaine victime est déjà repérée. Vous ne pouvez pas m'attraper. Le 2 décembre, vous ne m'attraperez jamais, idiot. Je vais encore baiser ce soir. Chaque appel est suivi d'un viol. Le 10 décembre 1977, les autorités de Sacramento reçoivent deux nouveaux coups de fil. Je vais frapper ce soir, Watt Avenue. Indication géographique, les patrouilles sont augmentées, direction Watt Avenue, donc. À 2h30, un homme masqué est repéré. Il fuit à vélo sur le pont de Watt. Les policiers se précipitent. Il s'échappe. Repéré à nouveau à 4h30. Il est intercepté, mais il se défend. Frappe un policier, laisse son vélo et s'enfuit à pied. Le policier culpabilise. Comment ce type a-t-il pu lui échapper ? Je suis tombé à cause de l'impact avec lui. Il a continué à courir et il s'est enfui avec des objets dans les mains. Depuis presque 2 ans, le violeur échappe à la police et terrorise le comté de Sacramento. Le 2 janvier 1978, le comble de l'horreur est atteint lorsqu'il téléphone à sa toute première victime. De la spectrice Carole Daly se confirme, il va passer à l'acte. Au matin du dimanche 30 décembre 1979, alors que les adjoints du shérif du comté de Santa Barbara se rendent au 769 Avenida Pequena, ils trouvent une femme en larmes. Il y a deux personnes mortes à l'intérieur, dit-elle, choquée. Les corps sont là, oui, dans la chambre. Deborah Alexandria Manning, 35 ans, est allongée, nue, sur le ventre, à droite du matelas, tête tournée vers la gauche, poignée attachée avec de la corde à linge. Elle a un trou dans la tête, une balle. Elle semble avoir été violée. Robert Hoffman, 44 ans, est à genoux au pied du lit. Il serre un morceau de ficelle blanche identique à celui qui entrave les poignets de Deborah. Lui a reçu 3 balles dans la tête. Pendant que les autorités préservent la scène du crime, les inspecteurs observent. Des marques d'effraction indiquent que le tueur s'est servi d'un tournevis pour entrer. La pièce principale est complètement retournée, des papiers, de la nourriture jonchent le sol. Preuve que le tueur s'est servi dans le frigo et qu'il a fouillé. Les policiers suivent surtout les empreintes en étoiles laissées par les baskets de l'agresseur. Des traces qui rejoignent une fenêtre. Il est passé par le parterre de fleurs du jardin, il a sauté la palissade pour pénétrer sans être vu. La scène qui suit est effroyable. La terreur ressentie par les victimes est palpable. Elle va durer 7 ans. Le 13 mars 1980, les époux Smith, Lyman et Charlene sont retrouvés dans leur chambre à Ventura. Même mode opératoire, mais cette fois le tueur a utilisé une bûche de la cheminée pour matraquer ses victimes à mort. Comme pour Greg Sanchez et Cherry Domingo Agoletta, le 27 juillet 1981. Quelques mois plus tard, ce sont les corps de Cade et de Patrice Harrington qui sont retrouvés à Dana Point. Le violeur sadique et meurtrier fait la une des journaux. Il est baptisé cette fois The Original Nine Stalker, le harceleur nocturne. Un seul couple a réussi à s'échapper, décrivant un mode opératoire machiavélique. L'agresseur ordonne à la femme d'attacher son mari, puis la ligote. Ensuite, il quitte la chambre, revient près de l'homme, resserre ses liens, place de la vaisselle sur son dos et le menace, mâchoire serrée toujours. Si tu fais un geste et que j'entends les assiettes s'entrechoquer, je tue ta femme et puis je te tue. Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live. And I wanna live, got a full tank and some chips. With me and a gun and a man on my back. And I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? Was me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means, me and Jesus. A few years back used to hang, and he said, it's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time. So you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach, a Fred Seville? Me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Laissez-moi vous présenter Paul Howes. Au printemps 97, il est un jeune laborantin qui a la bougeotte. Oui, bien plus intéressé par le travail sur le terrain que la recherche dans un bureau. À 29 ans, il décroche un poste de shérif adjoint en criminalistique contre Costa dans la baie de San Francisco, le poste idéal pour satisfaire sa passion des enquêtes impossibles. Alors qu'il est dans l'avion pour une conférence, il pose une question à son compagnon de voyage, l'ancien directeur du laboratoire judiciaire John Murdoch. Dis donc John, c'est quoi l'EAR ? Murdoch est déconcerté, il n'avait pas entendu cet acronyme depuis quoi ? 10 ans, au moins 10 ans. J'ai vu EAR noté en grosses lettres rouges sur les dossiers dans une armoire, c'est pour ça. Ah, EAR, ça veut dire East Area Rapist, le violeur de l'Est, répond Murdoch, qui connaît parfaitement cet acronyme. Ces dossiers n'ont pas été mis de côté par hasard, car le AR, c'est l'échec de la police, son plus cuisant. Murdoch raconte tout, les viols, le harcèlement téléphonique, la terreur dans la région, les rondes des riverains, l'inspectrice Carole Daly et surtout les récits des victimes. Howells est fasciné. Il n'avait jamais entendu parler de ce criminel. Il n'avait que 10 ans à l'époque. À peine rentré, il interroge des amis et des collègues plus âgés. Il est surpris de constater à quel point l'affaire avait été omniprésente. Un professeur lui raconte que son premier rendez-vous galant avec sa femme avait consisté à participer à l'une des patrouilles anti-viol organisées chaque soir. Un collègue lui confie que sa sœur était l'une de ses victimes. Paul Howells n'a plus qu'une obsession, résoudre ce cold case. Il a commis 50 attaques dans le nord de la Californie. Pour 25 d'entre elles, il y avait un homme dans la maison. Ce qui signifie qu'une fois sur deux, il a choisi d'entrer dans une maison alors qu'il y avait un homme présent. Ce prédateur attache les couples et crée un système d'alarme unique avec des plats. Il les empile sur le dos de l'homme allongé face contre terre, et s'il entendait ces objets bouger, cela signifiait que l'homme essayait de se détacher de ses liens. Et il passe des heures dans les maisons comme un rôdeur. S'il y avait de la bière dans le frigo, il se servait, sortait dans le patio arrière, allait s'allonger sur la chaise de jardin et buvait sa bière tranquillement pendant que les victimes étaient à l'intérieur. Il y a aussi quelque chose d'étrange sur ces crimes. Partout où il passe, il emporte avec lui des objets qu'on retrouve plus tard chez une autre victime. Le jeune adjoint se familiarise avec ses vieux dossiers. Et la lecture des atrocités rapportées le conforte dans l'idée que le criminel ne doit pas rester impuni. En juillet, il sort les kits de viol de la salle des scellés. Et surtout, il va profiter d'une nouvelle technologie pour trouver d'autres pistes, la recherche ADN. Un fichier national génétique des auteurs de crimes, le CODIS, a été créé il y a 3 ans sous l'autorité du FBI. Paul Howells envoie donc l'ADN du violeur de l'Est. Mais la réponse est décevante. La trace génétique ne matche avec aucun des 16 millions de suspects du CODIS. L'ADN ne donne pas de nom, certes, mais tout de même, il donne une piste qui va d'ailleurs faire basculer l'enquête. Dans d'autres comtés de Californie, des inspecteurs cherchent eux aussi à résoudre leur propre cold case. Des crimes de nature différente qui ont lieu dans des régions différentes. Et pourtant, The Visalia Wanseika, The Origin Night Stalker, and the East Rear Rapist ne font qu'un. Cette nouvelle essentielle, qui a échappé aux autorités depuis 30 ans, n'étonne pas tout le monde. Michelle McNamara, une journaliste passionnée de cold case, le pressentait. En 2006, elle avait créé son blog True Crime Diary, justement parce qu'elle sent que la Californie héberge le plus prolifique, le plus brutal, en un mot, le pire tueur en série de l'histoire moderne, celui qu'elle baptise le Golden State Killer. La terreur a commencé en juin, le 18 juin 1976, quand un homme masqué s'est introduit chez une femme vivant seule dans la zone pavillonnaire de Rancho Cordova. L'inconnu surnommé le violeur de la zone Est a commis des viols et terrorisé les communautés du nord de la Californie. En 1979, le violeur bouge vers le sud de la Californie. Il ajoute le meurtre à ses viols répétés. Il cambriole les maisons et effraie la population. Cet enquêteur de Californie lui donne un surnom, l'original harceleur de nuit. Ils sont conscients à ce moment-là que c'est le même homme que le violeur de l'Est. Ce violeur est unique et perturbant. Il a manifestement fait preuve d'une grande violence avec ses victimes, attaquées à leur domicile, qui les a plongées dans la terreur. Le violeur de l'Est, harceleur de nuit, est le meurtrier le plus prolifique de toute la Californie. Il a tué plus de personnes que n'importe quel serial killer, mais il n'a toujours pas été identifié. C'est en surfant sur le web qu'elle tombe sur un forum intriguant. On y parle de violeur de l'Est, de harceleur de nuit et du saccageur de Visalia. 5236 discussions évoquent ces noms. Chaque criminel en série a sa spécialité, c'est évident, son coin. Mais Michel se rend compte que ces 3 criminels ont pas mal de points communs, notamment pour ce qui concerne le mode opératoire. Une entrée de nuit par effraction dans des maisons de plein pied, viol systématique, port d'une cagoule, fouille, temps passé sur place, vol d'objets sans valeur pécuniaire, plutôt sentimentale, et levée de camp au bon moment, comme si l'agresseur savait exactement quand la police allait arriver. C'est également sur ce site web que Michel McNamara apprend que le violeur a appelé ses victimes, oui, même longtemps après les agressions. Elle apprend que son groupe sanguin est le A et que son pénis est de petite taille. Elle décide de rencontrer la modératrice des forums, Mélanie Barbeau, qui vit dans l'espace qu'on pourrait appeler l'épicentre des crimes, à Sacramento. Ensemble, elles parcourent les lieux des agressions, cartographient cette mortelle randonnée. Elles roulent pendant des heures, marquent un territoire, échafaudent des théories. Si l'agresseur s'échappe aussi rapidement, c'est qu'il connaît bien le coin, donc il vit dans la région. Si personne ne le trouve, c'est peut-être qu'il est insoupçonnable. Donc là, on aurait plutôt affaire à un homme tranquille. S'il parvient à repérer aussi facilement les lieux et s'en échapper tout aussi facilement, c'est certainement parce qu'il peut se fondre dans le décor sans éveiller la crainte. Voire, pire, en rassurant la population. Voyez, un peu comme un policier. Michel a besoin de partager ses intuitions avec un enquêteur officiel. Elle contacte donc Paul Holtz, sous prétexte d'une interview pour le Los Angeles Times. Et cette rencontre est décisive. Paul a les preuves, les scellés, les clés. Michel a le regard neuf, la passion, les ouvertures, et ça, ça match. Michel et Paul vont désormais travailler ensemble, partageant les hauts et les bas d'une enquête, l'excitation de tenir un suspect sérieux, tout comme la déception de revenir bredouille. Pour les aider, Anne-Marie Chouvert, shérif du comté de Sacramento, ainsi que le FBI, donne une conférence de presse et lance le 15 juin 2016 un avis de recherche motivé. Nous avons besoin d'un nom, parce que nous le ferons correspondre à ce profil. La journée de la justice est proche. Et donc je prie chaque personne vivant à Sacramento, si vous avez un nom, que vous avez entendu quelque chose, quoi que ce soit. Derrière elle s'affichent les trois portraits robots d'époque. Et bien sûr, les 50 000 dollars de récompense vont délier les langues. Parce qu'enfin, et forcément, quelqu'un sait quelque chose dans cette histoire. Ça n'est pas possible autrement. Eh non, rien. Jusqu'à ce que Paul Holtz suive l'intuition de Michel McNamara, qui coïncide avec la nouvelle lubie des Américains, la généalogie par ADN, la filiation génétiquement imparable. Holtz établit alors un profil génétique précis, à partir des preuves recueillies sur les scènes du crime du Golden State Killer, puis le charge sur deux sites privés sous une fausse identité. C'est la première fois qu'une telle recherche est entreprise. Il faut dire que la démarche est tendancieuse, à la limite de la légalité, voire de la moralité. Mais enfin, après quelques faux départs, une correspondance partielle arrive, et c'est la première véritable avancée depuis 40 ans. Oh, il faudra encore des mois de travail pour retrouver à la cinquième génération celui qu'on cherche. Le 18 avril 2018, l'arbre généalogique révèle enfin la vérité. Un nom, donc, une identité. Joseph James DeAngelo. Un nom qui n'avait jamais figuré sur la liste des suspects. Or, le profil correspond parfaitement. Il vit dans la banlieue nord de Sacramento, il a le bon âge, 72 ans, c'est lui, à 100%. Paul Holtz a le vertige. Ces derniers jours, nous avons récolté des informations qui visaient un individu. Nous avons commencé la surveillance, nous avons comparé son ADN, nous savons maintenant qu'il est conforme avec ce que nous savions déjà. Nous avons notre homme. Hier après-midi, après une arrestation dans les règles de l'art, mes détectives ont arrêté James Joseph DeAngelo, 72 ans, vivant à Citrus Heights. Et bien voilà, il n'a plus qu'à lui mettre la main dessus. Mais il faut vérifier que l'homme tout de même est le bon. Alors les policiers vont le suivre pendant 3 jours. Un matin, se retraiter par faire des courses. Dans la zone commerciale de Roseville, non loin de chez lui, il s'arrête à Hobby Lobby, un magasin de décoration. Alors qu'il se trouve dans la boutique, des détectives de la brigade criminelle s'approchent de sa voiture, essuient la poignée de la portière et recueillent son ADN. 2 jours plus tard, la confirmation du laboratoire leur parvient. Les traces correspondent à celles découvertes près de 30 ans auparavant sur la scène d'un double meurtre, à des centaines de kilomètres de là, en Californie du Sud. Après une ultime vérification sur un échantillon plus propre, un mouchoir ramassé dans la poubelle du suspect devant son domicile, les enquêteurs ont la certitude de tenir le coupable. Joseph James DeAngelo, The Golden State Killer, vit paisiblement au milieu de son territoire criminel. Un homme sans histoire qui a servi dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam avant de devenir policier en Californie, d'abord à Hearst de 1973 à 1976, puis à Auburn de 1976 à 1979, date à laquelle il est renvoyé pour avoir volé des matériels dans une boutique. Entre 1990 et 2017, il travaille comme mécanicien dans un entrepôt de Roseville et prend sa retraite. Divorcé, père de trois filles, lors de son arrestation, il vit avec l'une d'elles et sa petite fille. Un jour prochain, tu entendras une voiture faire halte devant chez toi. Un moteur s'arrêter. Tu entendras des pas se diriger vers ta porte. C'est comme cela que ça se finit pour toi, écrit Michelle McNamara. Elle avait juste. Cette traque a été une véritable course de fond, comme le souligne Anne-Marie Schubert lors de la conférence de presse donnée le jour même. Pour chaque personne vivant ici, à Sacramento, le souvenir est très vivace. Vous pouvez demander à n'importe qui, ayant grandi ici, tout le monde a une histoire. Cette histoire a profondément affecté l'État entier. Dans les années 60, le message était clair. L'horreur de ce cas nous obligeait. Il devait être résolu. Nous le devions aux victimes et à la justice. Et voici le jour que nous pouvons appeler, que j'appelle, le jour de la justice. Pour donner une voix aux victimes et évidemment pour identifier cette personne et l'amener devant la justice. Nous savions tous, dans ce groupe d'enquêteurs, que nous cherchions une aiguille dans une botte de foin. Mais nous savions aussi, tous, que cette aiguille se trouvait là. Nous avons trouvé l'aiguille dans la meule de foin et elle était là, à Sacramento. L'homme n'était ni un nomade, ni un loup solitaire, encore moins un vagabond. Non, juste un homme normal, avec la couverture la plus parfaite, celle de la banalité. Ce mercredi 26 avril 2018, les voisins de Joseph DeAngelo se réveillent sous le choc. C'est fou, ils ont cherché ce type pendant 40 ans, il était là, juste sous notre nez, déclare Ashley, qui vit 5 maisons plus bas. Et nous n'avons eu que des contacts polis avec lui. D'autres tout de même dressent un portrait plus mitigé. Ou parfois il devient instable. Il était là, s'occupait de sa voiture, il se mettait très très en colère, il lançait des jurons, en tournant en rond comme ça. Les victimes, elles sont sidérées, mais soulagées. Bruce Harrington, dont la sœur et le beau-frère ont été tués en 1980, témoigne. It is time for all victims. Il est temps pour toutes les victimes de faire leur deuil and to take measure. Et de prendre des mesures. One last time. Une dernière fois. To bring closure pour mettre un terme à l'angoisse dont nous avons tous souffert pendant les 40 dernières années. Il est temps de commencer à guérir pour toujours. To begin to heal. So long overdue. Ce n'est pas un crime nouveau, c'est un vieux crime, mais il est finalement résolu grâce à l'ADN. Aujourd'hui, ma tristesse vous accompagne. Vous, les 51 femmes qui ont été brutalement violées, vous pourrez mieux dormir ce soir. Vous pourrez vous dire qu'il ne passera pas par la fenêtre, qu'il est maintenant en prison et qu'il fait partie de l'histoire. Merci. Le procès s'ouvre en juin 2020. L'audience se tient dans la salle de bal de l'université de Sacramento, dont Angelo est sorti diplômé en 72, soit dit au passage. L'endroit a été choisi pour que tous ceux qui souhaitent y assister puissent le faire, selon les règles de sécurité sanitaire, donc à distance. En fond de salle, sur une estrade, la table du juge, drapée de noir. À sa droite, celle de l'accusation. À sa gauche, sur une estrade plus basse, la table est de la défense. Contrairement à un tribunal, la barre des témoins est placée face à la salle. Des écrans géants placés derrière eux. En face, le public, donc, sur des chaises parsemées où les survivants, les membres des familles des victimes, les avocats, les forces de l'ordre, les médias se mélangent. Une femme porte une chemise éblouissante sur laquelle on peut lire « Pourriture en enfer ». On se croirait dans un meeting politique. Il y a dans ces prétoires grandiloquents à la démesure des crimes coupables. So at this time I'm going to let me ask Mr. Kress, do you waive formal arraignment for judgment and sentence? Or I am going to arraign Mr. D'Angelo on the charges post plea on June 29th, 2020. The defendant entered a plea of guilty to the following crimes. Count 1, charge of murder of Quad Snelling, which occurred on September 11th, 1975 in the county of Tulare. Pendant 3 jours, les victimes vont défiler devant lui. Impassible, il écoute, le regard fixe. Aucune émotion ne transparaît derrière son masque. Il m'a dit et répété qu'il me tuerait, et je l'ai cru, déclare Chris Pedretti, 15 ans, au moment du viol. À 3 moments différents cette nuit-là, j'ai cru que j'allais mourir. Le juge essuie ses larmes, tandis que les survivants et leurs familles décrivent, parfois pendant près d'une heure, les répercussions durables des attaques, divorces, stress, post-traumatique, peur inébranlable. Courtney, la fille de David Strauss, victime de viol, décédée d'un cancer en 2016, décrit comment sa mère croyait toujours que quelqu'un la surveillait et se levait plusieurs fois par nuit pour vérifier les serrures des portes. Quand la sœur de Debbie montre sa photo au tribunal et demande à Angelo de la regarder, il ne bouge pas. Le vendredi 26 juin, c'est au tour de la défense de prendre la parole. Oh, elle a peu de marge de manœuvre. Imaginez, 50 viols, 13 assassinats. Alors, pour éviter la peine de mort, Joseph James D'Angelo plaide coupable. J'ai écouté tous vos témoignages, chacun d'entre eux, et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés. Il faudra plus que ces quelques secondes au juge Bowman pour lire tous les chefs d'accusation et les verdicts correspondants. 11 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le moment est tel que pour la première fois de sa carrière, le magistrat se permet une digression personnelle en citant Steinbeck. Pour l'homme né sans conscience, l'homme torturé par sa conscience doit sembler ridicule. Pour le voleur, l'honnêteté n'est qu'une faiblesse. N'oubliez pas que le monstre n'est qu'une variante et que, aux yeux du monstre, le normal est monstrueux. Le juge Michael Bowman affirme avoir donné la peine absolument maximale que la Cour puisse ordonner légalement. Il conclut en soulignant le fait que les survivants ont parlé de manière claire et que l'accusé ne mérite pas de pitié. Des paroles accompagnées par une salve d'applaudissements. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. What yells you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt, the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use it. Born inside the beast, my expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gonna shine like I'm supposed to, antisocial extrovert. And excellent meaning extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff gonna plead this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophet say. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I live about my fucking life. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the mecca emeritus. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how I this where you in the matrix. Dodging bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the go and sleeping in the pillar. Sipping from a Grammy, walking in the building. Diamond in the ceiling, marble on the floors. Beaches out the window, peeking out the window. Baby in the pool, Godfather goes. Only Lord knows, I've been going hammer. Dodging paparazzi, freaking through the cameras. Eat it for a daughter's Brock, wearing sandals. Yoga on a Monday, stretching to the fender. Watching all the snakes, curving all the fakes. Phone never own, I don't camera set. I don't compromise, I just penetrate. Sex, money, murder, these are the breaks, these are the traits. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light escape. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui tueur en série aux États-Unis et utilisation de l'ADN, mais par parentèle, et c'est important de faire le distinguo. Nous allons en parler avec notre invité, le lieutenant-colonel Emmanuel Famoaï. Bonjour. Bonjour Fabrice Dourel. Donc vous êtes un spécialiste, laborantin d'abord, et puis vous avez décidé de travailler pour la gendarmerie. Écoutez, pour que les choses soient plus simples, dites-nous alors rapidement quel a été votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené du labo purement scientifique à la recherche criminelle ? En fait, au départ, j'étais scientifique. Hein, j'étais un étudiant en sciences comme n'importe quel autre étudiant. Et puis, j'ai voulu donner un sens différent à ma vie. Je suis rentré en gendarmerie pour me mettre au service des autres et être un peu plus utile. Et comme j'avais des compétences en biologie moléculaire, j'ai atterri naturellement à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, que j'ai d'ailleurs quitté l'été dernier. Et l'idée, ça a été de faire un petit peu comme dans l'histoire que vous avez décrite, hein, c'est-à-dire au départ de mettre mes compétences au service du labo, puis ensuite de les pratiquer sur le terrain en tant qu'enquêteur. Et là, je dirais, j'ai fait le trait d'union entre la science et l'enquête, et c'est ce qui m'a permis de développer la recherche en parentèle dans le cadre de l'affaire Kulik. Alors, on va aller au cœur du sujet, parce que le récit illustre cela, et c'est intéressant. On connaît la recherche par ADN, le fichier ADN. Il y a là aussi la recherche par l'ADN parentel. Quelle est la différence ? Expliquez-nous ça, c'est le cœur de ce qu'on veut savoir. Alors la différence avec une recherche classique, elle est simple. C'est-à-dire que dans le cadre d'une recherche classique, vous avez votre profil génétique qui a été retrouvé sur une scène de crime, et vous supposez que votre suspect est fiché. Sauf que quand il ne l'est pas, eh bien le profil génétique retrouvé sur la scène de crime ne correspond à personne d'autre qui soit fiché. Et l'idée, c'est de vous dire, ok, mon suspect n'est pas fiché, mais peut-être que l'un de ses parents, père, mère ou enfant s'il en a, peut être fiché. Et à ce moment-là, à partir des caractéristiques génétiques de votre profil génétique, vous effectuez une recherche partielle pour tenter de retrouver un parent. Alors pour illustrer tout ça, c'est très simple. Hein. Un profil génétique, c'est 50% du père et 50% de la mère. D'accord. Et la recherche en parentèle, elle va consister à rechercher l'un de ces 50%. Oui, mais pourquoi le fait d'aller chercher la moitié, si j'ose dire, de ses origines, voilà, va être une valeur ajoutée ? Alors ça va être une valeur ajoutée parce qu'en fait... Pardon, je vous en prie. Non, allez-y, j'ai fini ma question. Voilà, en fait la valeur ajoutée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, si votre suspect n'est pas fiché, parce que imaginons, par exemple, le meurtrier américain que vous avez décrit a été extrêmement prudent. Jamais il ne s'est fait attraper. Par contre, il se peut qu'il y ait un membre de sa famille qui ait eu affaire avec la justice. Et en fait, on mise sur cette possibilité que votre suspect, lui, est trop malin pour avoir affaire à la justice, mais que l'un des membres de sa famille qui, lui, n'est pas au courant de ce qu'a fait le suspect que vous recherchez ne l'est pas. Et du coup, c'est une manière d'étendre les recherches et de remonter de manière indirecte à votre suspect. Évidemment, ça ne peut marcher que si les parents, au sens biologique du terme, sont fichés. Sinon, sans cela, vous retombez sur la problématique initiale qui est « je n'ai ni suspect ni parent fiché, donc le profil génétique que j'ai retrouvé sur ma scène de crime ne correspondra à personne au sein de ce fichier ». D'accord, mais c'est donc un progrès parce que les mailles du filet, enfin le filet est forcément plus gros à partir du moment où on peut utiliser cette technique. On est bien d'accord, la valeur ajoutée, elle est là. Emmanuel Famoaï, on va se retrouver dans 3 minutes hein, pour continuer de parler ça et voir l'application en France et aussi aux États-Unis après avoir écouté Maroon 5, Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Lieutenant colonel Famoigne, nous allons continuer à parler de la recherche ADN au service de la gendarmerie, de la police, de la justice. Alors je rappelle, c'est important quand même, que c'est vous qui avez résolu l'affaire Élodie Kulik, grâce à cette nouvelle méthode. Racontez-nous, alors là encore, rapidement, parce que il ne nous reste que 8 minutes. Je serai bref. En définitive, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'affaire Élodie Kulik, le meurtre remontait à 2002. D'ailleurs, hier, cela faisait 19 ans, et bien que l'assassinat avait été commis. Et de 2002 jusqu'à 2011, vous avez plus de 5000 personnes qui ont été prélevées, mais dont le profil génétique ne correspondait pas à celui qui avait été retrouvé sur la scène de crime. Et l'idée, en 2010, ça a été justement de se dire que le suspect n'était pas fiché, et qu'il n'était pas fiché pour plusieurs raisons. La première, qu'il pouvait radicalement avoir changé de vie et être passé sous les radars de la justice. Et la deuxième, qu'il était éventuellement décédé. Et du coup, dans mon esprit a surgi l'idée de, justement, si mon suspect n'est pas fiché, est-ce que l'un des parents ne le serait-il pas ? Et pour mettre en œuvre cette idée, ce que j'ai fait simplement, j'ai fait un travail de scientifique au départ, une compilation de différents articles scientifiques, et je suis d'ailleurs tombé à l'époque, en 2010, sur un article de Science qui faisait état du succès de la recherche en parentèle pour l'arrestation du Ring Slipper. Et avec mes connaissances en génétique et également ma connaissance de l'institution gendarmerie et du fichier national automatisé des empreintes génétiques, j'ai vu qu'on pouvait réaliser ce type de recherche. Alors à l'époque, en 2010, pour moi, je pensais que ça se pratiquait déjà. Sauf qu'en fait, en France, on ne l'avait jamais vu sous cet angle-là. Mmh. On restait sur « j'ai un profil génétique retrouvé sur une scène de crime, il correspond à quelqu'un en base ou pas ». Eh oui. Et le raisonnement s'arrêtait là. Et l'idée, ça a été de dire « écoutez, techniquement, en tant que scientifique, je sais que c'est possible. Juridiquement parlant, rien ne s'y oppose. Et regardez, cette technique a déjà fait ses preuves à l'étranger. Et elle a permis l'arrestation du fameux Grim Sipper. Et en définitive, on lance les choses en 2010. Il y a un débat juridique sur l'opportunité de la demande de 2010 en 2011. Et en 2011, on a enfin le feu vert du ministère de la Justice. On lance les choses et on retrouve le père du propriétaire du profil génétique de la scène de crime au sein du fichier. Bien, alors maintenant, j'imagine que c'est une méthode utilisée en France de façon naturelle, puisqu'elle a fonctionné. Vous avez prouvé, vous avez apporté la preuve que ça fonctionnait. Donc on l'utilise ? Oui, alors on l'utilise. Il y a eu l'affaire Kulik qui a été vraiment le précurseur en termes de recherche en parentèle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait quand même vide juridique au départ, faut être honnête. Et il a été comblé en 2016. C'est-à-dire que la recherche a été consacrée dans le code de procédure pénale, donc par une loi, et désormais elle est accessible à l'ensemble de la communauté judiciaire. Et elle a permis la résolution d'un homicide, à ma connaissance, et également de deux viols. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui a son utilité. Le seul inconvénient, c'est que les résultats sont très lourds à exploiter, parce que vous travaillez sur une moitié de profil génétique, et donc vous pouvez avoir plusieurs personnes qui, bien que n'étant pas apparentées au suspect, puissent présenter des moitiés de profil génétique identiques à ce dernier. Alors là, on rentre un peu dans le côté geek, un peu technique, mais tout ça pour dire que ça produit beaucoup de résultats, et qu'en définitive, quand vous avez cette liste de possibles parents, qu'est-ce qui vous permet de la démêler? Eh bien, c'est l'enquête traditionnelle. Vous confrontez les résultats génétiques aux résultats d'enquête, tels que cela a été fait pour le tueur du Golden State, et grâce, je dirais, à cette combinaison des deux éléments, vous arrivez à trier les gens de manière plus efficace pour vous intéresser à ceux qui sont le plus possible d'être parents. Donc ça veut dire que le métier d'enquêteur, quel qu'il soit, gendarme, policier, juge, continue dans la tradition, parce que l'enquête elle doit être sur le terrain, en parlant avec les gens, évidemment, et la recherche génétique devient un support très important. Mais je veux dire, l'un n'efface pas l'autre, on est bien d'accord. Exactement. Là, vous êtes vraiment sur un outil, c'est-à-dire que, comme vous le disiez dans votre documentaire, on cherche une aiguille dans une meule de foin. Eh oui. Et en fait, la recherche en parentèle, elle va vous dire dans quelle partie de la meule de foin se situe votre aiguille. Mais évidemment, tout le reste de la recherche, c'est vous qui allez le faire. Et là, pour en revenir sur l'enquête à proprement parler, en gros, la recherche en parentèle, elle vous donne le nom d'une famille. Et c'est après à vous, en tant qu'enquêteur, avec les témoignages, en recherchant dans les registres d'état civil, en faisant une enquête somme toute traditionnelle, de voir quels sont les individus de cette famille qui pourraient vous intéresser. Donc l'un ne va pas sans l'autre. D'un côté, se dire « Allez, je m'en remets complètement à l'ADN, je lance mon profil génétique dans le fichier, j'attends les résultats. » Bon, clairement, ça peut pas marcher comme ça. Par contre, combiner les deux, vous arrivez à des résultats très intéressants. Bien entendu, à la condition que le parent soit fiché. Aux États-Unis, la méthode est employée depuis l'histoire qu'on a racontée? Ou ça fait autorité immédiatement ou il a fallu attendre? Alors aux États-Unis, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la recherche en parentèle dont je parle pour l'affaire Kulik, c'est un petit peu la préhistoire par rapport à celle du Golden State Killer. Alors je m'explique. C'est-à-dire que vous avez des fichiers étatiques, on fait des recherches avec certains segments d'ADN qui ne révèlent pas grand-chose de votre personnalité. Ils nous permettent juste, de faire la distinction entre deux profils génétiques différents. Par contre, ce qui a été fait dans le cadre du Golden State Killer, c'est l'utilisation de bases de données généalogiques et génétiques. C'est-à-dire que ce sont des particuliers qui, pour connaître leurs origines, acceptent contre rétribution de donner un prélèvement salivaire. Et à ce moment-là, des sociétés privées analysent sur des segments différents d'ADN des informations qui révèlent des choses sur leurs caractéristiques intimes. Et c'est grâce à cela que vous allez plus loin dans la recherche. Par exemple, la recherche en parentèle que j'ai faite pour dans le cadre de l'affaire Kulik et qui avait été faite pour le Grim Sipper, elle me permet de m'intéresser qu'aux parents ou aux enfants du suspect. Par contre, dans le cadre de la généalogie génétique, vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelle les collatéraux. Frères, sœurs, oui, cousins, cousines, etc. Oui. Voilà. Et là, on est sur une forme plus complexe et plus élaborée de la recherche en parentèle. Avec les bases de données généalogiques, vous pouvez remonter à X générations et ensuite redescendre sur votre suspect. Alors, chose que ne permettent pas actuellement... Voilà. Pardon, oui. Je vous en prie. Non, c'est, je vous ai coupé. Bon, techniquement, je comprends. Maintenant, moralement, on y vient toujours. À partir du moment où il y a fichage, et même si le fichage est utile, il y a une question éthique qui se pose. Quel est votre regard sur cette question? Alors, le regard de l'ancien expert, c'est que sur les bases de données étatiques, il n'y a pas de problème. Elles sont cadrées juridiquement, elles veillent surtout à préserver les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever n'importe qui pour n'importe quelle raison. Il y a un cadre juridique, des infractions qui le permettent. Par contre, pour les bases de données génétiques, touchant à la généalogie génétique, comme je décrivais précédemment, ce sont des bases qui sont aux États-Unis, qui sont détenues par des sociétés privées, et pour lesquelles, actuellement, vous avez un vide juridique qui est en train d'être comblé. C'est-à-dire qu'une fois que vous acceptez de donner votre profil génétique à ces entreprises, elles disposent de votre donnée librement, vu que vous signez, des désaccords, comme vous les trouvez sur Internet, qui font 10 000 pages et auxquelles, bien entendu, on ne comprend pas grand-chose en l'espace de 2 minutes. Oui. Voilà. Et la difficulté avec ces bases de données génétiques de généalogie, c'est que vous ne savez pas ce que deviennent vos informations. Voilà. Ah oui, c'est pour ça même. Qu'on peut travailler. Voilà. Et le problème, il est là. Bien, on va conclure, à moins que vous ayez un complément très important, mais là, notre temps est écoulé. Lieutenant-colonel Famoy, en tout cas, merci pour tous vos éclairages techniques. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Golden State Killer, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves Derolle.